Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XIXe épisode, pour un chèque. Et maintenant, c'est le calme avant la tempête. Si ce n'est la folle agression amoureuse de Baruch contre André de Maubreuil, il ne se passe rien. Chacun attend dans le plus grand calme le départ de Lord Buridan et de ses amis. Ils savent maintenant, grâce à Pistolet, l'emplacement exact de l'île dépendue et ils sont persuadés qu'ils ont déjoué les plans de la main rouge. Cornelius, de son côté, est parfaitement confiant. Il croit qu'il a réussi à tromper ses adversaires sur l'emplacement exact de l'île dépendue. Et il sait que l'équipage de la Revanche est totalement acquis à la main rouge. Chacun est sûr de posséder les bonnes cartes du jeu et tous ignorent que les cartes sont truquées. Cornelius, calme-toi, Cornelius. Ce n'est quand même pas cette ridicule aventure de Baruch qui te met dans des états pareils. Mais il s'agit bien de Baruch. Alors. Mais tu es aveugle, Fritz. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle nous sommes? Jamais la main rouge n'a traversé une telle passe. Tout nous claque entre les mains. Nos ennemis déjouent tous nos plans et courent toujours. Nous n'avons réussi aucune affaire importante depuis longtemps. Et la dernière en date, celle de Winnipeg, a été un échec lamentable. Nous n'avons plus d'argent, Fritz. Et sans argent, plus de main rouge, et sans main rouge, plus de puissance. Il nous reste le trust. Le trust. Parlons-en. William Dorgan vient de modifier son testament en faveur de Harry Dorgan. Si bien que pour le moment, cela ne sert à rien d'éliminer le vieux. Il nous faut absolument trouver d'urgence $1 million, sinon c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui te fait sourire? Tu as une idée? Non, je pensais à Balthazar Buxton. L'amateur de tableaux? L'homme au labyrinthe? Oui, j'ai reçu une lettre de lui aujourd'hui. Il veut me voir, j'ai un rendez-vous chez lui tout à l'heure. Il est immensément riche. Et tu crois? Non, impossible. J'y ai déjà pensé, tu peux l'imaginer. Malheureusement, son hôtel particulier est tellement bien protégé qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a imaginé tout un système d'ascenseurs, d'escaliers dérobés, de grilles à fermeture électrique, à travers lesquelles passe un courant de plusieurs milliers de volts. Je vois. Et l'homme, comment est-il, l'homme? Portrait de Mathusalem. Et tout sec, tout ratatiné, une momie chauve à tête de mort, tiens, avec des yeux d'or d'une jeunesse extraordinaire. Des yeux d'or? Oui. Il vit seul? Oh, complètement. Il passe son temps dans une immense pièce en marbre de Carrare, entouré de ses Rembrandt, de ses Rubens, de ses Raphaël, de ses Botticelli, et de quelques centaines de contemporains, des Degas, des Monet. Je n'ai jamais pu savoir si cette pièce était au sous-sol ou au deuxième étage, il n'y a pas de fenêtre. Mais le plus inimaginable, c'est ce que ce vieillard a inventé pour faire sortir ses visiteurs. Il a un code spécial. Un Judas s'ouvre dans une porte secrète lorsqu'il appuie sur un bouton, et cette porte ne s'ouvre que lorsque Balthazar lui-même a tendu de sa main décharnée un jeton au gardien qui se trouve de l'autre côté. Oh, 2 heures déjà. Il faut que j'y aille. Je te retrouverai chez toi plus tard, Cornelius. Très bien. Essaie quand même de voir s'il n'y a rien à faire du côté de ce Balthazar Buxton. Oui. Comment allez-vous, cher monsieur Cram? Il y a bien longtemps que j'ai eu le plaisir de vous voir. Je vais bien. Et je vois avec joie que votre santé paraît excellente. Avouez quand même que si vous ne me voyez pas plus souvent, cher monsieur Buxton, c'est un peu de votre faute. Vous avez raison, cher monsieur Cram. Mais que voulez-vous? Quand je suis enfermé avec mes chefs-d'œuvre, j'oublie le temps qui passe. Et vous ne vous ennuyez jamais? M'ennuyer avec tous ces tableaux autour de moi, je les regarde. Et ça suffit à remplir ma vie. Mmh. Oh, mais excusez-moi, je suis impardonnable. Je ne vous ai pas présenté. Monsieur Fritz Kram, la signora Lorenza. Mes hommages, madame. Je comprends en effet, monsieur Buxton, qu'en si charmante compagnie, vous ne puissiez vous ennuyer. Si je puis me permettre ce compliment, madame, votre beauté égale les plus précieux trésors qui se trouvent dans cette pièce. N'est-ce pas? Et en plus de sa beauté, la signora Lorenza a bien voulu mettre son merveilleux pouvoir à ma disposition. Ah, et quel pouvoir? Oh, voyons, monsieur Kram, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de la signora Lorenza, la célèbre guérisseuse de perles. Non, j'avoue que... Et vous n'ignorez pas que, pour conserver leur éclat, les perles doivent être portées par des femmes, sinon elles se décolorent et meurent. Ah, en effet, je savais cela. Mais j'ignorais que la signora Lorenza possédait le pouvoir de ressusciter les perles mortes. Mais de quelle façon? Tout simplement en les portant sur moi. Oui, sur elle, sur sa chair. Il s'exhale de son corps une électricité qui crée autour d'elle une atmosphère spéciale. Voyez-vous, cher monsieur Kram, la perfection des sens atteint chez la signora Lorenza un tel degré que tout ce qui l'approche devient calme et lumineux. Même les animaux les plus sauvages se couchent à ses pieds sans la toucher. Elle est née à Florence, et il n'y a que dans cette ville qu'on trouve de telles femmes. Je vois. Et serait-il indiscret de vous demander pourquoi la signora Lorenza se trouve chez vous? Mais la raison en est toute simple. Je me plais à la voir au milieu de mes œuvres d'art. N'est-elle pas elle-même un chef-d'œuvre vivant? Et puis, son pouvoir agit aussi sur moi. En sa présence, je me sens rajeunir. Voilà bien des compliments exagérés, cher ami. Et sa voix? Vous avez entendu sa voix, une vraie voix de sirène. Arrêtez, arrêtez, cher monsieur Buxton. Oh, ne croyez pas ce qu'il dit, monsieur. En fait, je ne suis ici que pour soigner ces colliers de perles malades. Car vous savez que la perle est un être vivant. Comme l'a dit Michelet, le célèbre historien français, la perle n'est pas une personne, mais ce n'est pas une chose non plus. Et moi qui avais toujours considéré ça comme une légende. Erreur, cher ami, erreur! Regardez ce collier magnifique que porte la signora. Il y a quelque temps, ce n'était qu'un assemblage de nacre grisâtre et sans reflet. Extraordinaire. Mais j'y pense, j'ai dans mes coffres nombre de perles mortes. Si la signora acceptait d'essayer sur elle son merveilleux pouvoir. Ce serait avec plaisir. Seulement, actuellement, je me sens très fatiguée. Les perles me prennent tout mon fluide et après chaque séance, je n'ai plus aucune vitalité. Dans quelque temps, si vous le voulez. Par contre, je peux passer chez vous pour les voir, monsieur. Mais quand vous voudrez, signora. En fin de journée, si cela vous convient, bien sûr. Mais ça me convient parfaitement. Mon Dieu, déjà 4 heures. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je dois rentrer. J'espère que ce n'est pas ma présence qui vous chasse. Mais pas du tout. À ce soir. À ce soir. Au revoir, monsieur Buxton. Attendez, attendez, cher ami. Vous oubliez qu'on ne peut pas sortir ainsi de chez moi. Attendez, je dois donner par le Judas le jeton au gardien, et ainsi mon bel oiseau pourra s'envoler. Alors, que pensez-vous de Lorenza? Oh, elle est admirable, merveilleuse. Mais au fait, quelle est donc l'affaire pour laquelle vous vouliez me voir? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai décidé d'acheter le portrait de Lucrèce Borgia par le Titien. Le portrait de Lucrèce Borgia? Mais c'est impossible, il se trouve à Venise. Et il est la propriété du gouvernement italien. Cher monsieur Graham, votre érudition est prise en défaut. Le portrait qui se trouve à Venise n'est qu'une copie de l'original, une copie de la main du Titien lui-même. Mais une copie. L'original est actuellement la propriété du milliardaire William Dorgan. Ah bon? J'ignorais ça. Mais ça ne change rien. Je connais assez William Dorgan pour vous assurer qu'il ne consentira jamais à se défaire de ce tableau. Il aime vraiment la peinture. Il me faut ce portrait. Mais malheureusement, c'est impossible. Je ne peux pas vous faire une promesse que je... J'en offre $1,000,000. $1,000,000. Après tout, je pourrais peut-être persuader William Dorgan. Je vous fais confiance, monsieur Kram. Quant aux chiffres de la commission, vous le fixerez vous-même. Attendez, vous savez bien, cher monsieur Buxton, que ce n'est pas ainsi que je travaille. En cas de succès, c'est à moi que vous achèterez le tableau et pas William Dorgan. Mais ça m'est égal. Ce que je veux, c'est avoir la Lucrèce ici. Tant mieux pour vous si vous ne l'achetez que $500,000 à William Dorgan. Moi, je vous l'achète $1,000,000. Ah, mais c'est bien ainsi que je l'entends. Je vous tiendrai au courant. À très bientôt. À bientôt. Eh bien, Fritz, tu m'as l'air bien joyeux. Qu'as-tu donc trouvé chez Buxton? $1,000,000. Ah, $1,000,000. Explique-toi. Eh bien, j'ai vu Buxton et j'ai fait la connaissance chez lui d'une femme admirable. La signora Lorenza. Tu connais? Jamais entendu parler. Alors? Alors, c'est une guérisseuse de perles. Oh. Jamais je n'ai vu de femme plus belle qu'elle. Si tu la voyais, Cornelius, un visage d'un ovale parfait, une lourde chevelure noire, d'immenses yeux bleus, d'un bleu limpide. Mais enfin. Elle est grande, elle est svelte, pleine de douceur, un teint d'une blancheur éblouissante, une bouche parfaite, Cornelius, des mains. Mais enfin, Fritz, qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien que rien que d'entendre parler d'une femme me met hors de moi, cela ne m'intéresse pas, tu entends? Et si jamais un jour tu tombes dans le piège de l'amour, comme on dit, eh bien, ce jour-là, tout sera terminé entre nous. Tu as compris? Hein? Ne me parle plus jamais de cette femme! Tu as parlé $1,000,000, alors? Eh bien, Buxton veut que je lui procure un tableau du Titien, qui est actuellement en possession de William Dorgan. Il en offre $1,000,000, voilà. William Dorgan n'acceptera jamais. Eh bien sûr qu'il n'acceptera jamais, mais j'ai une idée. Louis Grivard. Louis Grivard? Ouais. Ce peintre que tu as fait chanter avec une soi-disant lettre de son père? Oui, exactement. Et qu'est-ce que ce Louis Grivard vient faire là-dedans? Tu sais que Louis Grivard possède un talent extraordinaire pour copier les œuvres anciennes. Eh bien, je vais lui demander de faire une copie du tableau que possède William Dorgan. Nous vendrons le vrai à Buxton et nous laisserons la copie de Grivard chez William Dorgan. C'est pas plus compliqué que ça. En effet, c'est ingénieux. Mais encore faut-il que Grivard puisse travailler sur place. Nous ne pourrons pas faire l'échange sans que William Dorgan ne s'en aperçoive. Mais tu sais bien que William Dorgan est en tournée d'inspection dans les plantations de coton. Baruch est actuellement seul dans le palais de son père. Et il lui sera facile d'y introduire Grivard et de surveiller son travail. Dans un mois, tout devrait être terminé. Tu as parfois des idées géniales, monsieur mon frère. Je vais tout de suite prévenir Baruch. Bon, eh bien moi, je file. J'ai un rendez-vous chez moi. Si c'est avec une guérisseuse de perles, je te préviens, finis notre collaboration. Les femmes sont des démons malfaisants, tu entends? Voyons, Cornelius, ne te mets pas dans des états pareils. J'ai rendez-vous avec Grivard. Hein? Personne n'est encore venu, Douglas? Si, sir. Monsieur Grivard, il est dans l'atelier. Ah, et personne d'autre? Non, sir. Une jeune femme doit venir tout à l'heure. Vous l'introduirez immédiatement. Très bien, sir. Mmh. Ne vous dérangez pas, Grivin. Continuez. Très beau. Vraiment, vous avez du génie. La restauration de ce Pinturicchio est admirable. Ce n'est pas difficile. C'est pas mon avis. Jusqu'à présent, je n'ai encore rencontré personne qui ait votre talent. C'est sans doute pour ça que vous me retenez de force. Mais oui. Et je vous retiendrai, comme vous dites, encore longtemps. Alors, que vous manque-t-il? N'êtes-vous pas bien payé? Monsieur... N'êtes-vous pas libre de faire ce qui vous plaît? Sans doute. Mais vous me retenez en Amérique au moyen d'une méthode inqualifiable. Si je pouvais... La signora Lorenza... Entrez. Entrez, cher ami. Eh bien, monsieur Grivard, vous semblez tout d'un coup sans voix. Cher ami, je vous présente monsieur Grivard, un artiste du plus grand talent. Monsieur Grivard, la signora Lorenza, qui a reçu le don merveilleux de rendre la vie aux perles. Eh bien, monsieur Grivard, la signora n'est-elle pas digne du pinceau des vieux maîtres? Et signora? Signora Lorenza? Vous m'avez parlé. Excusez-moi, monsieur Graham. J'ai des quantités de perles anciennes dans ce coffre. Puis-je vous en faire voir quelques-unes? Mais je vous en prie. Tenez, voici des pendants d'oreilles trouvés dans un sarcophage égyptien. Leurs perles sont sans doute contemporaines de celles qu'avala la reine Cléopâtre, après les avoir fait dissoudre dans du vinaigre. Et en voici d'autres qui ornèrent le pourpoint de... Oh! Oh, le téléphone! Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez mon audace, signora, mais... Monsieur Kram va bientôt revenir et... Puis-je me permettre de vous demander une grande faveur? J'aimerais faire votre portrait. Je serais très heureux si je pouvais vous revoir. Moi aussi, monsieur Greva. J'habite un petit hôtel sur Broadway, au 333. Venez quand vous voudrez. Mais surtout, pas un mot à monsieur Kram. Je suis désolé, signora, mais une affaire très urgente. Mais je n'en aurai pas pour longtemps. Monsieur Griva vous tiendra compagnie, si cela ne dérange pas trop. J'en serai très heureux. Eh bien, que se passe-t-il, Cornelius? Si seulement je le savais. Stéphane, le chef de la police, sera ici d'un moment à l'autre. Il veut te voir. Moi? Et pourquoi? Je te dis que je n'en sais rien. Mais j'ai bien peur que nos ennuis ne s'aggravent. Oui, entrez. Sir, il y a là monsieur Stéphane, le chef de la police. Il demande à ce que vous le receviez. Oui, mais je sais, Leonello. Je l'attendais. Fais-le entrer, veux-tu? Je vais vous en prie, monsieur. Merci. Entrez! Entrez! Cher monsieur Stéphel! Je savais bien qu'un jour nous nous reverrions. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Malheureusement, ce n'est pas une visite de politesse qui m'amène aujourd'hui. Et la mission que j'ai à remplir m'est assez pénible. Monsieur Fritz Kram, je suppose. C'est moi, oui. Je ne vous cacherai pas que de graves soupçons pèsent sur vous. Sur moi? Oui! C'est bien vous qui êtes propriétaire de l'île Saint-Frédéric, plus connue dans le monde des bandits de la main rouge sous le nom d'île des pendus. Hein? L'île des pendus? Première fois que j'entends ce nom-là. Par contre, il est exact que l'île Saint-Frédéric m'appartient. Il y a bien longtemps que je n'y suis allé et... Ah, vous avouez. Mais je n'ai rien à cacher, monsieur. S'il est vrai que la main rouge... se sert de l'île, je l'ignorerais complètement. Vous l'ignoriez. Écoutez, j'ai fait moi-même cette enquête et je n'affirme rien sans preuve. Je tiens aussi à vous signaler que si je subissais la moindre voie de fait au cours de cette visite, les documents que je possède paraîtraient ce soir même dans 3 des plus grands journaux de New York. Des voies de fait? Monsieur Stéphane, voyons, voyons. Oh, nous tenons simplement à avoir quelques explications sur les étonnants soupçons que vous faites peser sur mon frère. Car si je vous comprends bien, vous l'accusez d'être complice des bandits de la main rouge. Mais exactement. Et qui plus est, j'ai des témoignages précis selon lesquels votre frère et vous-même faites partie des lords de la main rouge. Mais voyons, monsieur Stephen, mais... Oh, c'est grotesque! J'ai toutes les preuves! Mais... Je sais que c'est vous qui avez enlevé le savant français Prosper Bondona. Je sais que c'est vous qui avez retenu prisonnier l'honorable Lord Buridan. Je sais... Écoutez... Je vous donne une chance. Donnez-moi les noms de tous vos complices. Et peut-être qu'à cette condition, je pourrai obtenir que vous ne soyez pas poursuivi. Voici une bonne vieille ruse de guerre, monsieur Stephel. Seulement, vous nous voyez bien embarrassés, car comment pourrions-nous vous donner les noms de nos complices puisque nous n'en avons pas? Et comment pouvons-nous avouer les crimes que nous n'avons pas commis? Et bien sûr, je devine d'où part une telle dénonciation. Elle vient sans doute de ce fameux Lord Buridan, qui s'est échappé du Lunatic Asylum et qui a assassiné un honnête citoyen américain. L'honorable Lord Buridan m'a en effet aidé à élucider quelques points qui manquaient à mon enquête. C'est lui qui m'a donné les coordonnées exactes de l'île des pendus, ce qui m'a permis de découvrir qu'il s'agissait de l'île Saint-Frédéric. Par contre, je n'ai pas jugé utile encore de lui signaler que c'était vous, monsieur Fritz Kram, qui étiez le propriétaire de cette île. Mais vous êtes libre de le faire, monsieur Stephel. Cher monsieur Stephel, je suis quand même pas responsable de ce qui se passe dans une île déserte où je n'ai pas mis les pieds depuis des années. Eh bien, je vais le lui dire. Et savez-vous ce qui va se passer ? Lord Buridan sollicitera et obtiendra l'envoi d'un cuirassé. Dans tous les cas, cette affaire vous causera un tort considérable, même en admettant que vous ne soyez pour rien dans les agissements de la main rouge. Voyons, monsieur Stephel, voyons. Vous savez qui je suis. Et je peux espérer que vous me faites autant confiance que vous pouvez le faire à ce Lord Buridan. Eh bien, je vous affirme, moi, que mon frère n'a rien à se reprocher. Et je suis sûr que l'enquête que vous mènerez avec votre sagacité habituelle établira totalement son innocence. C'est une possibilité, mais qui me dit que vous ne chercherez pas à vous soustraire à l'action de la justice? Eh bien, cher monsieur Stephel, voulez-vous une preuve de notre bonne foi? Bien. Je vais immédiatement déposer entre vos mains une caution de 50 000 $. Ainsi, vous serez sûr que ni mon frère, ni moi, ne chercherons à nous échapper. Évidemment, cette proposition est en votre faveur. Il est possible, après tout, qu'une erreur ait été commise à votre sujet, n'est-ce pas? Et avant de déclencher un scandale tel que celui que causerait votre arrestation, je veux élucider cette affaire en toute impartialité. Et vous reconnaîtrez bien vite, cher monsieur Stephel, que l'on s'est trompé en nous dénonçant. Excusez-moi un instant. Je vais chercher mon carnet de chèques. Prenez un porte-toi. Plus je réfléchis, plus je suis persuadé, cher monsieur Fritz Kram, que vous avez été victime d'une dénonciation calomnieuse. Bah oui. Ce ne sont pas des hommes comme vous, ou comme votre frère, le célèbre docteur Cornelius Kram, qui pouvaient être affiliés à l'association de la main rouge. Mais c'est évident, non? Oui, tout à fait évident, cette accusation est absurde. Vous savez ce que je vais faire? Non. Eh bien, je vais classer cette affaire. Voilà. Voilà. Mon carnet est avec moi. 50 000 $. Je le fais à l'ordre de qui, monsieur Stephen? Au porteur. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Tenez. Et n'oubliez pas que s'il arrivait que l'on nous accusa de nouveau, nous serions toujours prêts à fournir une caution. Lionello! Veux-tu raccompagner, monsieur Stephel? Au revoir, messieurs. J'espère que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera dans des circonstances plus agréables. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouf, nous l'avons échappé, mais... Oh, mais enfin, Cornelius, je ne te comprends pas, le danger reste le même, non? Je n'ai aucune confiance dans ce Stéphel. C'est un maître chanteur sans scrupules. Que pouvons-nous faire? Rien, attendre. Attendre? Ne t'inquiète pas. Quand je suis allé chercher mon carnet de chèques, j'ai donné des ordres. D'ici peu de temps, nous serons débarrassés de ce Stéphel. Oui, mais n'est-ce pas imprudent? Les journaux vont... Voyons, voyons, Fritz. Il est bien trop malin pour s'être confié à qui que ce soit. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est la façon dont Buridan a découvert l'emplacement exact de l'île des Pendus. Notre stratagème n'aurait donc pas marché. Ah, alors, Leonello. C'est fait, sœur. Monsieur Stéphel a été liquidé conformément à vos ordres. Très bien. Très bien. Très bien. Et comment cela s'est-il passé? Sans aucun problème. Au moment où la voiture de police qui transportait Monsieur Stéphel traversait la 5e avenue, Slug, au volant de sa voiture, l'a violemment embouti. Sous l'impulsion du choc, Monsieur Stéphel a été éjecté sur la chaussée. Bien. Il a été immédiatement transporté à la pharmacie qui fait l'angle de la 5e avenue et de la 40e rue où je suis arrivé en même temps que lui. J'ai immédiatement donné vos ordres au pharmacien, qui est un des nôtres. Ben, alors... Eh bien, il lui a administré un premier traitement, mais malheureusement, il s'est trompé de drogue. Il lui a injecté un poison violent. Ce pauvre monsieur Stéphel est mort sans avoir repris connaissance. Eh oui. Eh oui. L'erreur est humaine, et même les pharmaciens n'y échappent pas. Le chèque. Le voilà, sœur. Bravo, Leonello. Bravo. Et Slug? Disparu dans la nature sans que personne n'ait eu le temps de l'apercevoir. Très bien, Leonello. Bien. Tu le féliciteras et tu le récompenseras de notre part. Tu peux disposer. Oh, tu es remarquable, Cornelius. Sans toi... Ouais. Oh, mais excuse-moi, il faut que je rentre chez moi. Grivard, m'attends. J'allais justement le mettre au courant de cette affaire de tableau quand tu m'as appelé. En as-tu parlé à Baruch? Oui, tout est arrangé. Ton Grivard pourra se mettre au travail dès demain. Mon Dieu, quel pays que l'Amérique! Quelle mœur! Un chef de la police qu'on achète, une pièce de musée que l'on vole en la remplaçant par un faux. Oh! Heureusement que ces choses-là n'arrivent que dans les feuilletons. Mais cela n'arrive-t-il que dans les feuilletons? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le portrait de Lucrèce Borgia. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Le Rouge, 19e épisode, pour un chèque. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Ginette Pigeon, Didier Conti, François Darbon, Pierre Michael, Max Vial. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier. Réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 23 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.